Après, Geoffrey, qui va nous parler des altermondialistes à Nuit Debout. Ah, bienvenue. Bon, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, voilà, je suis sociologue des mouvements sociaux. Ça fait depuis 1999 que je suis des mouvements qui ressemblent beaucoup à celui-ci dans différents endroits du monde. Et donc, j'ai discuté un peu avec Antoine, je ne sais pas s'il est là, des Duc Pop, il y a quelques jours. Je ne vois pas par ici, mais il va sûrement arriver. Et on se disait en effet que bon, ça peut être intéressant d'échanger un peu avec vous autour de ce qui se passe ici, mais peut-être aussi comment ça s'inscrit dans des continuités d'autres mouvements. Et à partir de là aussi, quel est l'intérêt, quels sont pourquoi ce mouvement est si important, et peut-être aussi quels sont quelques-uns des défis. Et donc, en gros, il y aurait trois choses dont j'aurais pu vous parler. Je vais peut-être les énoncer brièvement et pour ensuite prendre un des sujets qui pourraient peut-être vous intéresser un peu plus. Donc, d'abord, premièrement, mais ce que je fais surtout, c'est essayer d'étudier les différentes cultures politiques qu'il y a dans ces mouvements sociaux. Et j'aimerais bien insister sur un point, surtout aujourd'hui, on voit toutes les tensions qui émergent à Nuit Debout et c'est assez normal, il ne faut pas trop s'inquiéter. Mais bien souvent, derrière la lutte personnelle qu'on voit, derrière la lutte entre différents groupes et fractions, ici à Nuit Debout, comme ailleurs, je pense qu'il y a avant tout des cultures politiques, des visions de politique qui sont différentes. Et ça arrive, on arrive souvent à des accusations personnelles, mais derrière ça, je pense qu'il faut éviter les accusations personnelles pour voir plutôt pourquoi c'est lié à différentes conceptions du changement social, visions du monde différentes. Et on voit clairement ici des gens qui veulent davantage orienter le mouvement vers ce qu'ils appelleraient une efficacité politique, vers des impacts plus clairs sur la scène politique institutionnelle, et puis d'autres pour lesquels l'Assemblée est importante, pour lesquels ce qui se passe sur la place, l'expérience vécue est plus importante. Et donc là, il y a un conflit de tension entre ces deux tendances, qui est tout à fait normale dans tous les mouvements d'aujourd'hui. Et donc, je pourrais peut-être vous parler de ça une autre fois, pas aujourd'hui, je voudrais juste dire qu'il faut... Il ne faut pas trop s'inquiéter des tensions personnelles, qu'il y a des conflits assez classiques derrière ça. Un autre point qui me paraît important, dont je ne vous parlerai pas non plus aujourd'hui, c'est un peu comme on n'est pas couché, mais une autre fois peut-être, c'est l'importance des individus dans ces mouvements. Il y a des grosses discussions, pourquoi est-ce que les organisations ne sont pas représentées? Je pense que les organisations sont importantes ici, mais comme tous les mouvements, c'est un mouvement, comme on dit, no logo, on n'affiche pas les organisations en tant que telles. C'est important, j'entends plusieurs d'entre vous qui me disaient aussi qu'on parle d'être humain à être humain, plutôt que militant d'une organisation. Et Duc Pop, c'est assez fantastique aussi, parce qu'on est ici pour échanger une expérience en tant que personne, et pas avec un statut qui dirait plein de choses à l'université. Donc c'est vraiment des relations personnelles, des individus solidaires qui se recomposent, avec de grands atouts pour le mouvement, mais aussi ça pose quelques difficultés, par exemple quand les gens changent tout le temps, quand dans chacune des assemblées, c'est pas évident d'établir une continuité entre d'un jour à l'autre. Et puis troisièmement, et c'est de ça que je vous parlerai davantage aujourd'hui, je pense que ce qui se passe sur la place est important, non seulement pour ce que ça peut devenir plus tard, mais aussi pour ce qui se passe aujourd'hui, ici et maintenant sur la place. Je vois aujourd'hui un rendez-vous à 19h sur la Bourse du Travail où la priorité pour beaucoup ici, et c'est légitime dans certaines cultures politiques, c'est dire qu'il faut sortir de la place. En gros, c'est bien ça ici, toutes ces personnes qui se réunissent, mais l'essentiel est ailleurs. Il faut maintenant transformer l'essai, en gros, en ayant un impact politique, entre guillemets. C'est pas faux, c'est une vision de ce qui se passe sur la place, une culture politique tout à fait légitime, mais il n'y a pas que ça. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui sur la place, depuis 3 semaines, est vraiment important en tant que tel. C'est un message très fort qui est donné, et c'est aussi une logique d'action qui est vécu par beaucoup de gens en France, mais qu'on ne voit pas très souvent dans la presse. Et je vais peut-être un peu vous parler de ça, ce que j'appelle les espaces d'expérience, ce qu'on a appelé avec beaucoup de chercheurs, notamment aux États-Unis, l'engagement préfiguratif. Et donc, l'idée, en gros, c'est de dire, je pense que sur la place, c'est un espace d'expérience un peu en dehors de la société dominante, en dehors du capitalisme, du néolibéralisme, etc., qui permet de faire trois. Premièrement, vivre selon nos propres valeurs. Deuxièmement, nouer des relations sociales différentes, conviviales, dans le sens de Illich, dans le sens fort. Et troisièmement, c'est un espace un peu différent qui nous permet aussi d'exprimer notre subjectivité. Ce sont des choses qui sont souvent niées, on dit que ce n'est pas essentiel, mais je pense au contraire que c'est là que bat le cœur du mouvement, ou l'un des cœurs du mouvement en tout cas. Et donc, premièrement, ce qui est essentiel, c'est un espace qui nous permet de mettre en œuvre les alternatives. Souvent à petite échelle, d'expérimenter des choses. C'est une expérimentation créative qui se fait petit à petit. Ce qui veut dire aussi, c'est une espèce de slow movement, un mouvement qui a besoin de temps. C'est pas un mouvement qui, en deux semaines, va créer plein de choses très claires pour les journalistes. Non, c'est un mouvement où les gens se réunissent, créent des choses. On avance pas à pas, comme disent beaucoup d'activistes des mouvements précédents, avec l'idée aussi que l'autre monde possible, l'alternative, n'est pas seulement pour demain. L'alternative, c'est pas seulement ce que les politiques vont faire à partir de ce mouvement, grâce à ce mouvement. C'est aussi ce qui se fait ici, très concrètement. On voit les alternatives un peu partout. Il y avait dimanche dernier, autour évidemment du film, notamment demain, mais aussi d'autres alternatives locales comme les monnaies. Il y a aussi des alternatives qui sont créées concrètement ici, comme avec Edic Pop ou ailleurs, et d'autres formes d'échange de savoir. Il y a cette idée que si je veux changer le monde ou contribuer à changer le monde, eh bien, il faut d'abord que je commence par appliquer moi-même ces valeurs. C'est l'idée de cohérence qui est essentielle. C'est l'idée que on ne peut pas demander un autre monde plus démocratique sans appliquer soi-même la démocratie. D'où l'importance et l'intérêt des assemblées très démocratiques qui prennent beaucoup de temps, et c'est vrai que c'est parfois un fameux bordel, mais l'apprentissage prend du temps et c'est normal. On l'a vu partout avec les alignés, on l'a vu ailleurs. Et donc, cette idée de démocratie horizontale, égalitaire est essentielle sur la place, dans les différentes commissions. Et là, c'est en même temps aussi un message fort qui, à mon avis, dit trois choses. Premièrement, il faut se méfier de l'efficacité politique, ce que certains considèrent comme un mouvement efficace en politique. C'est pas forcément ce que d'autres voient comme un mouvement efficace. Est-ce qu'être efficace, c'est arriver à placer un slogan en politique? Est-ce qu'être efficace, c'est créer un nouveau parti politique qui pourrait surgir du mouvement? Ou au contraire, est-ce que quand on crée ce parti politique, on tombe dans des tendances qui sont un peu opposées au mouvement? On le voit très bien dans le passage entre les alignés et Podemos en Espagne, où Podemos est un des multiples résultats des alignés, pas le seul, et en même temps est aussi le contraire des alignés, puisque dans Podemos, on a premièrement des leaders avec le fonctionnement en partie, pas uniquement, mais en partie hiérarchique, des leaders charismatiques, alors que pour les alignés, il n'y avait pas de leader charismatique. Par exemple aussi, l'idée que les alignés ne voulaient pas entrer dans la sphère politique institutionnelle, et évidemment, Podemos l'a fait. C'est ni bien ni mal, simplement, ce sont des logiques différentes qui sont toutes légitimes, à mon avis, et qui sont évidemment en tension. Il y a quelques disputes autour de ça, et c'est bien normal. Il y a un autre message clair aussi pour moi dans ces mouvements. On l'a vu très clairement avec Occupy Wall Street, les alignés, on le voit ici aussi, dans une partie des mouvements, moins clairement, mais c'est présent. C'est un message clair pour moi qui est de dire la politique, la démocratie, ce ne sont pas que des ministres, des sénateurs, des parlementaires qui se battent à la télévision. La politique, c'est aussi ce que nous faisons dans notre vie quotidienne, dans les quartiers, ce que font les citoyens ici sur la place, c'est aussi politique. Et donc la transformation, si nous voulons changer la politique, ben c'est ce que vient de dire l'intervenant précédent, qui était très intéressant, c'est justement retirer ce monopole de la politique des élus qui sont rémunérés pour ça, c'est dire nous le faisons ici sur la place, petit à petit, progressivement, ça prend du temps, mais c'est important. Et donc c'est de dire en gros, comme le disaient des militants un peu partout, le sens du mouvement, c'est dire que ce sont les gens, plus que les politiciens, qui font changer les choses. Donc, dans ce sens-là, ceux qui demandent sans cesse, mais quel sera le résultat du mouvement? Comment va-t-il se transformer en quelque chose de politique? Ben, ils perdent quelque chose d'essentiel aussi dans ce mouvement. Et donc, c'était peut-être, et donc, je répète, donc le premier aspect ici, c'est vivre selon nos propres normes, nos propres valeurs égalitaires. Je pense que la commission féministe à côté est vraiment importante pour ça aussi. Ce processus, c'est jamais tout à fait satisfaisant, il faut toujours s'améliorer, mais c'est important. Un processus qui est toujours en cours pour vivre de manière plus horizontale, antisexiste, écologiste, etc. Deuxièmement, un aspect qui doit être vraiment souligné, c'est aussi créer un espace qui nous permet de nouer des relations sociales différentes. Et ça, ce n'est pas quelque chose, le fait que tout le monde soit sympathique, que soit convivial ici, c'est pas juste un petit aspect sympa d'un mouvement qui est là pour faire de la politique autrement. C'est essentiel. C'est dire que la manière dont nous connectons les uns les autres en tant qu'individus sur la place fait partie de cet autre monde possible et nous l'appliquons ici. Je suis vraiment frappé par la convivialité au sens fort, par les échanges de qualité, par le fait que tout le monde ici pourra apprendre les uns les autres en tant qu'être humain et pas avec des grands statuts, pas avec des organisations. La politesse, la convivialité qui change quand même, enfin, ou quand on est bousculé dans le métro parisien, qui va s'excuser, alors qu'ici c'est tout le contraire, qu'on veille les uns aux autres. Et c'est ça aussi, c'est important, c'est pas un petit truc annexe, c'est pas juste une chose qu'on fait pour ensuite lutter. Vraiment, pour moi, le message, c'est dire que ce qui se passe ici, c'est déjà l'autre monde qui est en marche, quelque part, à son petit niveau. C'est pas juste quelque chose pour préparer l'autre monde de demain. C'est déjà en partie ici. Et ces relations sociales conviviales, c'est aussi le contraire de ce que nous impose un peu toute la société environnante. En gros, on le voit aussi dans les AMAP, par exemple. Je pense que plusieurs d'entre vous participent aux AMAP. Eh bien, ces relations sociales conviviales, c'est le contraire du supermarché dans lequel on voit la caissière, on dit bonjour juste pour dire quelque chose, mais c'est tout. Il n'y a pas de relation humaine, le moins possible. Ici, c'est le contraire. On remet ces relations humaines dans le système contre, me disaient certains militants écologistes en Belgique, contre une société de comparaison et de compétition. Ici, c'est vraiment un autre esprit qui se noue dans les relations sociales conviviales. Et le troisième aspect qui me paraît aussi essentiel, c'est que c'est un espace qui est là pour exprimer notre non-subjectivité. Et on le voit dans les multiples expressions artistiques qu'il y a ici, qui sont encore une fois pas juste un truc pour faire passer un message politique, qui sont aussi importantes en tant que telles. Pour dire que chacun est différent, doit pouvoir s'exprimer. On le voit dans ce qui est écrit par terre, on le voit dans l'expression ici, bon, on voit quelques affiches par ici, on le voit dans les poèmes qui sont récités, dans les chansons. Eh bien, un espace pour que chacun puisse exprimer sa subjectivité à sa manière est essentiel. S'exprimer en Assemblée Générale, dans les commissions, c'est pas juste un petit truc comme ça. C'est pas l'Assemblée Générale qui va permettre à d'autres de créer un truc politique. Non, c'est déjà important pour que chacun s'exprime. C'est ça le cœur de la démocratie, je dirais, d'une autre société importante. Et donc, c'est un vrai espace d'expérimentation démocratique qui permet, il y a un terme en anglais qui dit « empowerment », qui permet de renforcer la capacité d'agir de chacun, de s'exprimer, de se réaliser comme individu, pas égoïste, mais je dirais aussi avec les autres. Et là, il faut que je reprenne, parce que j'ai parlé un peu trop longtemps de tout ça. Oui, donc un aspect qui me paraît important dans cette forme de politique différente, qui n'est pas la seule sur la place, c'est une des formes politiques militantes qui s'expriment sur la place, c'est aussi qu'automatiquement, ça brise la dichotomie, la séparation entre le privé et le public. Cette idée que la politique, c'est un truc qu'on fait dans un espace public qui serait séparé d'un espace privé. Qu'on est citoyen actif quand on va voter, éventuellement quand on s'exprime sur la politique, et puis ailleurs on ne l'est plus. Alors que concrètement, quand on est ici avec ses amis, ben c'est aussi politique. Quand on renoue des relations sociales différentes, c'est politique. Quand on achète dans les supermarchés ou dans une AMAP, eh bien évidemment c'est politique. Donc il faut la démocratie, le politique, au-delà de la séparation entre le privé et le public. Et donc je crois que c'est vraiment le cœur des choses de repenser du coup aussi la démocratie. Non seulement, et on le voyait clairement avec les alignés par exemple, pour eux ou pour Occupy, la démocratie c'est pas seulement une revendication qu'on adresse au gouvernement. Les gens qui sont ici ne demandent pas seulement au gouvernement d'être démocratique, c'est aussi une chose qu'on applique en pratique et surtout une exigence personnelle. C'est quelque chose que chacun d'entre nous exige par rapport à lui-même. Il y a pas mal de... J'ai beaucoup discuté avec les Éluciens sur la place de Tahrir. Et c'était vraiment ça aussi qu'on voyait là-bas. Donc ce sont des mouvements qui s'inscrivent dans une continuité. Il y a un flot de mouvements sans cesse, on ne parle pas de tous, mais il y en a beaucoup en Europe de l'Est récemment, en Bosnie, un peu partout. On voit cette idée que la démocratie, c'est aussi une exigence personnelle de chacun de nous et que la société ne peut pas être démocratique si nous ne sommes pas nous-mêmes. Et donc ce sont des mouvements très importants et en même temps, comme toutes les formes politiques, qui ont aussi leurs limites quelque part. Il y a plein de questions, plein de défis qui se posent. Et quelque part, s'il n'y a que ces formes d'engagement préfiguratif, ben c'est pas sûr qu'on puisse changer le monde autant qu'on le veuille. Quelles sont quelques-unes des limites? J'aurais pas le temps de m'étendre beaucoup là-dessus, mais on peut en discuter des heures. Premièrement, pour moi, une limite ou une question qu'on doit se poser, c'est peut-on changer le monde uniquement en multipliant ces espaces d'expérience, ces îlots alternatifs dans un océan néolibéral, capitaliste, etc. Et donc c'est vrai, je l'ai redit souvent, hein, c'est essentiel de construire une alternative ici, un monde meilleur dans un petit îlot alternatif. Et en même temps, ce n'est pas tout à fait suffisant. Pour moi, il y a un pays que j'aime beaucoup, j'y vais très régulièrement, c'est le Mexique. Au Mexique, tout le monde a entendu parler des zapatistes qui construisent cet espace depuis 30 ans maintenant, 20 ans de soulèvement. Ce sont des gens extraordinaires qui investissent toute leur vie là-dedans, je dirais bien plus que nous ici en 3 semaines. Et pourtant, et il y a plein d'îlots comme ça alternatifs au Mexique. Ils sont vraiment des gens extraordinaires. Et malgré tout, il faut se poser la question, est-ce que le Mexique est un pays meilleur aujourd'hui? Non. Dans les îlots alternatifs, les gens vivent beaucoup mieux, et c'est très important, essentiel. Il y a beaucoup moins de violence, etc. Mais dans l'ensemble du Mexique, le Mexique aujourd'hui est un pays plus violent, plus néolibéral et beaucoup plus inégal qu'il y a 20 ans, quand le zapatisme a commencé. Ce n'est pas l'échec du zapatisme, au contraire. Mais simplement pour dire, bon, c'est très important, mais ce n'est pas suffisant, il faut aussi s'articuler avec d'autres formes de lutte. D'autres limites assez rapidement, par exemple, on l'a bien vu avec les alignés à Madrid. Comment s'est arrêtée l'occupation de la place à El Sol? Eh bien, on a vu une assemblée générale pendant 3 jours, sans arrêt, qui ne discutaient plus que du mouvement lui-même. Et donc, en fait, je l'ai dit, s'organiser d'une manière démocratique, libre, horizontale, c'est essentiel. Mais en même temps, dans tous ces mouvements, et c'est une tendance un peu naturelle, on voit que la discussion sur le mouvement lui-même prend de plus en plus de place, quelque part au dépend des revendications sociétales du mouvement. C'est, je dirais, ni bien ni mal, c'est comme ça. Mais donc, il y a un moment où le mouvement en vient à être de plus en plus tourné vers lui-même, et puis à la place de la raison, ils ont du coup décidé de dissoudre un peu cette assemblée sur la place. En raison de cette évolution que je vois vraiment dans tous les mouvements qui y ressemblent. D'autres limites, ou défis plutôt, c'est que s'organiser de manière démocratique avec des individus plutôt que des organisations demande du temps, beaucoup de temps. Vous le savez tous, si vous êtes investi dans les commissions, ce sont des choses qui s'apprennent. Il faut que chaque jour, des individus nouveaux qui viennent dans les commissions puissent apprendre tout cela, on doit le réapprendre, le réexpliquer. Ça prend du temps, c'est comme ça, et donc c'est très bien, mais simplement... On a un temps limité comme tout le monde. Et puis aussi, on le voit très clairement en France, comme avec les zapatistes, beaucoup de ces espaces d'expérience, certains peuvent se développer tels quels, sans trop de problèmes, mais pour la plupart, s'ils peuvent se développer, c'est parce qu'il y a aussi une résistance active face à la société ou force de l'ordre qui veut les envahir. C'est l'armée zapatiste qui permet aux zapatistes d'être toujours présent malgré l'envahissement de tout le Chiapas par l'armée mexicaine. Ce sont les résistances à Notre-Dame-des-Landes et ailleurs qui permettent de développer cet espace. Et donc il y a aussi un aspect, c'est un peu paradoxal parce qu'à l'intérieur de cet espace d'expérience, on refuse quelque part le conflit, on dit qu'on n'est pas en conflit avec d'autres personnes parce qu'on discute ensemble, on essaie de se mettre d'accord malgré nos divergences, et en même temps c'est un espace qui a aussi un conflit avec l'extérieur. Enfin, donc ça, c'est tout ça, ce sont des défis. Donc j'aimerais insister sur mon dernier point, qui est dire de ne surtout pas écouter tous les journalistes et la plupart des sociologues et politologues qui vous expliquent depuis 4 ans et demi que le mouvement des alignés Occupy est terminé parce que les gens ne sont plus sur la place. Et c'est vrai que je me souviens, 6 mois après les alignés, ou plutôt 6 mois après Occupy, parce que les alignés, enfin bref, en 2012, tous les journalistes m'appelaient pour dire « Mais comment ça se fait qu'un mouvement qui a émergé, qui a fait tellement de choses, a disparu aujourd'hui ?» Il a disparu pour les gens qui voient ça de loin, pour les gens qui ne lisent que les journaux, qui ne vont pas sur place. Le mouvement des alignés n'a jamais disparu. Ça continue aujourd'hui sous d'autres formes. Le mouvement Occupy à New York, j'y étais il y a quelques mois encore. Eh bien, il y a plein de résultats aujourd'hui aussi. Simplement, pas seulement les résultats qu'attendent les journalistes, qu'attendent les sociologues et les politologues qui voient le mouvement à partir d'une perspective très, très orientée vers la politique institutionnelle. Quels sont les résultats de ces mouvements? Pour moi, il y en a 4 ou 5 au moins, ou 4 ou 5 types. Premièrement, c'est indéniable, je ne vais pas m'arrêter longtemps là-dessus parce que tout le monde le sait. Un des résultats, c'est d'avoir transformé en partie la sphère politique institutionnelle. On le voit en partie avec Syriza, en partie avec Podemos, c'est jamais satisfaisant, mais certaines des personnes qui sont ici, sur la place, qui étaient dans cette place-là, ont décidé de s'investir dans la politique institutionnelle. Encore une fois, ce n'est pas à nous de juger, à mon avis, ils ont fait les choses, ils ont transformé certaines... En Espagne, ça a transformé en partie le paysage institutionnel, et ils ont en même temps trahi certaines valeurs de mouvement, c'est normal. Je prendrai l'exemple de 68. En 68, c'est évident que quand Bendit disait que jamais il n'allait s'impliquer dans la politique institutionnelle, on sait qu'il a fait une longue carrière ensuite. C'est la même chose pour Vaclav Havel, c'est la même chose pour Joschka Fischer, qui était des acteurs de 68 dans d'autres pays. Bon, ils ont fait leur chemin en politique, c'était intéressant, mais ce n'est jamais le seul résultat du mouvement. Et Podemos et les alignés, ce sont des choses assez différentes. Podemos n'est qu'un des multiples résultats des alignés, qu'ont fait beaucoup d'autres. Eh bien, dès que vous allez dans une ville en Espagne où les alignés étaient importants, on a vu un réinvestissement massif du niveau local. On a vu des formes d'économie solidaire, des formes d'échange, de troc, de rencontres personnelles, des discussions de la politique locale très importantes. Et donc tout ça, on ne le voit pas dans les journaux français, bien sûr. Mais c'est essentiel. Et donc, on peut tout à fait imaginer qu'un mouvement comme Nuit Debout va aboutir à un renforcement encore de ces dynamiques locales, comme on voit déjà dans les AMAP, qu'on voit déjà dans beaucoup d'endroits. Espérons-le aussi, les dynamiques déjà très présentes dans les banlieues, mais qui peuvent être renforcées, articulées à tout cela, ce serait très intéressant. D'autres personnes aussi ont choisi de renforcer le côté un peu expertise. On le voit ici, une expertise quand même citoyenne très importante sur la place. Il y a un peu plus loin la commission économie politique, il y a plein d'autres commissions dans lesquelles des jeunes et des moins jeunes s'intéressent pour certains depuis longtemps et d'autres pour la première fois à des thématiques complexes. Et j'ai vu à Occupy Londres, il y avait une tente qui s'appelait University Tent, tente de l'université, un mauvais nom à mon avis, et qui était, je l'avoue, beaucoup moins intéressante qu'Educ Pop ici. Mais qui, en tout cas, 2-3 ans plus tard, j'ai revu des gens là-bas qui m'ont dit, en fait, suite à ça, j'ai réorienté mes études, maintenant j'étudie l'économie. Je commence le doctorat en économie critique, bien sûr, ce qui n'est pas évident à Londres. Et, Et donc, on voit comment ça a un impact aussi sur l'émergence de cette citoyenneté, on va dire, engagée au niveau des un peu de l'expertise, très important. Il y en a d'autres aussi, c'est le cas ici, ces places offrent aussi une résonance à d'autres luttes. Et on voit qu'après toutes ces places, il y a une espèce de nouveau cycle de lutte ou un renforcement des luttes, on le voit ici avec le droit au logement, avec d'autres. Et donc, on peut imaginer que dans les mois qui suivent, une série de luttes vont se renforcer, il y aura peut-être des grèves générales, peut-être d'autres choses, je ne sais pas. Mais ça paraît un peu dispersé, mais c'est, tout cela est lié. Et puis, bref, c'est un mouvement qui est multiple. Il y a des cultures politiques multiples ici. Son avenir sera forcément pluriel. Et comme je l'ai dit dans presque tout mon petit speech, ce qui se passe sur la place aujourd'hui me paraît essentiel, pas seulement pour ce que d'autres veulent en faire après, mais c'est essentiel pour ce qui se passe ici, aujourd'hui, maintenant, et au niveau de chacun, et ce que chacun en fera. On le voit que les gens qui ont participé il y a longtemps, ça a un impact sur leur vie personnelle, sur leur vie politique, même plusieurs décennies plus tard. Tout le monde est d'accord là-dessus, il y a plein d'études qui l'ont montré. Donc c'est une transformation personnelle, parce que, quelque part, la démocratie, ça se joue aussi en chacun de nous. Ça, ce sont des choses essentielles. Et en même temps, le jour où il n'y aura plus personne sur cette place, ou moins de gens sur cette place, ce n'est pas pour ça que le mouvement s'arrêtera. Parce qu'il va continuer sur de multiples formes, on ne sait pas exactement comment. Probablement dans les 4-5 voies que j'ai esquissées brièvement. Et donc, mais je voudrais juste reprendre ici le terme d'une indignée française qui avait occupé la place, et c'est mon dernier mot, qui avait occupé la place de la Défense. Elle me dit, on a beaucoup discuté avec nos amis, et c'est clair pour nous que finalement le mouvement n'a pas vocation à occuper la place pour toujours. On a appris ce que nous avions à place. Maintenant, on essaie de l'appliquer dans nos vies, dans l'université, dans nos quartiers et ailleurs. En même temps, c'est quand même une autre temporalité. Ici, c'est un mouvement, je dirais, très jeune. Ça fait 3 semaines. La plupart des mouvements Occupy et Dignier ont quand même été sur la place pendant plusieurs mois. Je pense qu'il y a encore plein de choses à faire sur la place ici et qui, encore une fois, est essentiel pour ce qui se fait ici plus encore que pour ce qui se fera ensuite. Donc, j'espère avoir ouvert quelques pistes de débat. J'espère que quelques personnes sont d'accord et d'autres moins d'accord et donc interviendront dans la discussion, le débat. Merci. Ok, merci beaucoup Geoffrey, c'est très intéressant. Juste avant qu'on passe au débat, je voudrais faire une petite annonce pour faire un appel à soutien pour des gens qui ont fait une action depuis ce matin à Gare du Nord, dans un Quick et un McDonald's. Et du coup voilà, ils sont enfermés dedans en fait depuis ce matin, il y a les CRS qui sont devant, il y a des gens qui veulent y aller pour pouvoir faire pression, faut que je fasse plus fort. S'il y a des gens qui veulent y aller pour pouvoir faire pression, pour pouvoir aider toutes ces personnes qui sont bloquées en fait alors qu'ils sont en train de faire une action, voilà, sachez qu'à Gare du Nord, c'est en train de se passer là tout de suite. Sinon, merci encore. Et de se mettre en relation avec des gens de la commission presse, apparemment, c'est ce qui m'a été demandé, enfin, m'a donné un coup de fil, je ne sais pas plus. Mais voilà. Et de les mettre en relation avec la commission presse si vous connaissez des gens de la commission presse. On peut passer aux questions, s'il y a des gens qui en ont. Bon, j'étais dans le mouvement de Altermondialis quand il a commencé à Porto Alegre. Et en Brésil, successivement, j'avais participé. Plus tard, c'était dans le mouvement des indignés. À mon avis, ce que tu viens de dire, c'est un encadrement idéologique. Tu es en train de faire un encadrement idéologique de mouvement. C'est-à-dire, tu parles sur beaucoup de choses qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire, le parti institutionnel, tout ça, je sais pas, institutionnel, ça veut dire quoi? Parti politique, c'est des partis politiques. Ça peut être opposition de institution. Alors le parti politique, ce sont des choses modernes qui ont surgi de fin du 19e siècle, 20e siècle. Alors en réalité, ça peut nous éloigner de comprendre la vérité du mouvement que nous sommes dedans. C'est-à-dire, quand on parle de mouvement, qu'est-ce que ça veut dire mouvement? Est-ce qu'on peut artificiellement créer de mouvement? Non, on ne peut pas le faire. C'était la première définition que j'avais trouvée de mouvement, c'est dans le Kuffer de Lénine qu'il dit que le mouvement c'est quelque chose de spontané et dans différents niveaux de conscience, c'est-à-dire augmentation de conscience. Les mouvements sont différents avec le conscience qui sont. Alors on ne peut pas créer ça s'il y avait indigné ou dans le mouvement d'Espagne parce qu'il y avait 40% de jeunesse sans travail. Alors il y avait le côté de misère, c'est-à-dire il y avait un mouvement en Grèce, tout ça, parce que les crises étaient plus importantes. Voilà, c'est-à-dire il y a une base objective économique, il faut le présenter. Il y avait, c'est-à-dire ce côté de l'Europe pauvre et l'Europe riche. Alors le mouvement, dans les deux sont différents. Et alors, bon, jusqu'à le moment qu'il n'y aura pas des millions des ouvriers, le monde du travail dans la rue, on ne peut pas faire un mouvement social. Ça nous reste autre chose à faire. Ça, c'est formidable, mais aussi, il ne faut pas nous priver du mouvement des idées. C'est-à-dire, le mouvement créatif des idées, ça peut donner une impulsion là, de mouvement social. Alors, mais quand c'est encadré, ça nous empêche de le faire. Parce que ce que tu dis, ça met un encadrement que j'avais vu dans le mouvement tout le temps, tout le temps. Mouvement tout, théorie rien. Alors, de limiter les gens, c'est-à-dire, je conseille de se baser sur l'expérience personnelle. Tandis que non, il y a la connaissance indirecte des êtres humains qui sont plus importants que l'expérience personnelle. On peut pas, on sait pas, on n'a pas expérimenté tout ça tout seul. Il y a toute cette histoire de connaissances humaines qui nous sont transmises d'une manière indirecte. Merci. Vous voulez répondre tout de suite? Parce qu'il y a une autre question. D'accord. Pascal, oui, moi je voudrais justement, probablement derrière ça peut faire en tout cas une réaction de ta part à travers toute ton expérience. Moi je pense que la société, en tout cas ceux qui nous gouvernent, n'hésite pas à organiser du collectif. C'est-à-dire que l'idée même du collectif, eux-mêmes savent faire. On voit bien que des fois d'ailleurs quand ça leur échappe, ils renforcent. Mais je veux dire, ils sont capables d'accepter qu'on remplisse un stade de sport. Ils sont capables d'accepter que la vie associative, même des grands marathons, enfin, mais on sent que tout ce qui est collectif n'appartient qu'à ceux qui, à un moment donné, l'acceptent dans un cadre qui est organisé, pas par eux-mêmes. Mais d'une certaine manière, ils sont surtout participants. Voire, c'est payant, parce que le sport, par exemple, vous n'entrez pas dans un stade si vous n'avez pas payé votre ticket. Moi, ce que je voudrais dire ici, c'est que pour moi, ce point de fixation, là, qui, Place de la République, quand j'y viens, d'abord, j'y viens, je sais qu'il n'y a pas de droit d'entrée. En plus, on se réapproprie le collectif, mais sans trop savoir avec qui on va être et ce qui va se passer. Et on devine bien que, bon, au départ, il y avait cette histoire de loi El Khomri, mais on sent bien que ça va au-delà. Et là où je rejoindrais, disons, le monsieur, c'est que moi, je sais toujours pas où j'en suis. C'est-à-dire, je suis pas prêt à quitter la place tant qu'on sera pas plus nombreux. Dans le sens où ce point de fixation, pour moi, n'aurait de sens que si à un moment donné, ça déborde tellement... Que là, j'ose espérer d'ailleurs que le pouvoir commencerait à se dire comment on fait, parce que même les rues adjacentes, ça ne circule plus. Mais tant que ce point de fixation n'aura pas rempli au moins sa fonction préalable, c'est-à-dire de dire à tout citoyen, on a créé un lieu à Paris et ailleurs, hein, c'est Limoges, Lisieux, enfin, j'ai entendu l'autre jour un Santiago qui était là sur la place, il était venu voir un petit peu. Lui, ils ont fait à Montpellier place, je lui ai dit, vous faites quelle place? Parce que j'imagine même pas, c'est la place de la Comédie, donc on peut dire que c'est la plus grande place de Montpellier. Et il m'a dit que... ça essaime autour. Il y a des gens qui maintenant, le soir, sur une place de village, enfin, ce qui est d'habitude la place de village, devient la place de village, enfin, debout. Donc on parle politique, etc. Donc moi, réellement, personne n'est interdit de place de la République. Souvent, tu l'as dit, moi je reviens, je pense qu'il faut qu'il insiste là-dessus. Faut pas que les discussions portent trop non plus sur Nuit Debout en tant que telle. Parce que... se poser la question de ceux qui n'ont pas le droit de venir, moi je pose surtout la question de tous ceux qui devraient être là, qui n'y sont toujours pas. Parce que quand on a peur par exemple de la récupération, il faut savoir que vous avez des gens qui sont probablement frileux, peut-être à jouer les renforts, parce qu'après tout ils ont envie que Nuit Debout ait son autonomie. Alors que des bataillons, moi je maintiens ici, vous avez des bataillons de retraités, de chômeurs. Alors pour ce qui est même des retraités, des bataillons de la fonction publique, RATP, EDF, cheminots, vous avez les lycéens, et puis les étudiants qui sont en vacances. Donc ce potentiel déjà de gens qui pourraient, juste en bougeant leur emploi du temps, en changeant de destination, en choisissant Place de la République plutôt que la Foire du Trône, en choisissant plutôt que le Forum des Halles et la Canopée, la Place de la République, à un moment de la journée, en décidant même maintenant qu'il fait beau de venir prendre un casse-croûte sur la place. Vous voyez. Et par contre, il appartient à Nuit Debout de rappeler que c'est un lieu de respect, d'écoute, de parole qui se libère, pour un quelque chose qu'à mon avis, on a du mal à percevoir encore, de toute façon. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec ce monsieur. Je ne doute pas que de ceux qui pourront après saisir une opportunité parce que on voudra faire vider la place. Mais moi, je trouve que de toute façon, la seule réussite du mouvement pour l'instant pour moi, c'est d'avoir ramené des gens ici, des gens qui se connaissaient pas, des gens qui repartent tels qu'ils étaient, tels qu'ils ont été peut-être, ou qu'ils ne savent pas encore, qu'ils sont en devenir, comme tu as dit. Et de toute façon, pour moi, je dis merci Nuit Debout. Voilà. Oui, bonjour. Un tout petit interruption. On a besoin de monde pour décharger un camion, filer un petit coup de main. Juste 3-4 personnes pour 5 minutes. Je vous remercie. Bon débat. Vous voulez répondre ? Justement, pour ne pas être long, parce que c'est un débat intéressant, je veux juste dire qu'en effet, c'est, il y a plusieurs cultures politiques, je l'ai dit, dans ce mouvement. Et clairement, il y en a certains qui veulent orienter ça vers plus de ce qu'ils entendent par efficacité politique. Mais c'est aussi un mouvement qui a une composante très forte et vraiment le contraire du léninisme, où se questionner fait partie du mouvement. C'est un questionnement permanent. Ne pas savoir exactement vers où on va fait partie du mouvement. C'est pas un problème dans ce sens-là. Ça, je reprends les termes même des apatistes, qui ont quand même été très importants, ou qui ont été beaucoup discutés. J'étais dans tous les forums sociaux mondiaux, qui étaient beaucoup discutés là-bas. Et l'idée qui est importante, je crois, c'est de reprendre cette idée. On apprend en marchant. Le fait qu'on ne sait pas, et là, c'est clairement pas le grand soir qu'on attend, c'est plutôt le changement par les petits matins qui sont ce qu'on fait concrètement ici. C'est pas aussi, aussi visible, aussi radical, mais ça me paraît vraiment important. Et bien sûr, c'est pas, on peut dire que certains vont toujours trouver que c'est pas assez efficace. On peut dire la même chose des autres cultures politiques. Hein. Est-ce que c'est plus efficace d'être un parti politique en France aujourd'hui, d'être organisé? Pas forcément non plus, donc chacune ont leurs avantages, leurs inconvénients. Et pour peu qu'on comprenne que les autres, ce qu'ils font, ce n'est pas... qu'on comprenne que ça a du sens aussi, que c'est différent. Il me semble qu'il y a moyen de fonctionner avec des cultures politiques très différentes dans ce mouvement. Je fais juste une petite pause pour dire que déjà je vais faire passer une petite caisse pour nous, parce qu'on a besoin de matériel. Du coup, ça nous aide. J'ai juste entendu. Et aussi, essayer d'être un peu concis, comme ça tout le monde pourra vraiment pouvoir discuter et avoir un vrai débat. Bonjour tout le monde, je vais essayer d'être concis, plus fort. D'accord, j'ai parlé plus fort. Pardon. Alors je suis, j'ai jamais fait partie d'Action syndicale, je suis pas militant, je suis même pas étudiant, enfin c'est trop tard pour moi, ni encore retraité. Je voulais juste parler de petites choses. Vous avez parlé de point de fixation et vous avez parlé de d'appliquer ce qu'on dit ici à nous-mêmes. Et je sais pas, moi ça m'intéresse beaucoup cette idée de démocratie à suffrage aléatoire, enfin de voter aléatoirement pour de choisir nos élus. Et ma question c'est pourquoi on fait pas ça ici avec ce mouvement là d'appliquer cette démocratie à vote, enfin on tire au hasard nos élus, un groupe d'élus par exemple. Il y a beaucoup de choses à discuter, je veux pas répéter les choses ici, mais pourquoi on le fait pas pour ce mouvement là Bon, nous sommes deux. Le seul truc qui devrait être bien en France pour nous. Et si je parle comme ça, on m'entend. Vous m'entendez là? Comme ça? Comme ça? Bon, je suis de passage à la place de la République. J'ai bien sûr entendu parler de Nuit Debout. Et je constate maintenant qu'il y a un nouveau mouvement qui est jour assis. Voilà, je vois des gens assis et debout, dans la bouche. Près de la bouche. Alors, est-ce que je répète ce que j'ai dit ou est-ce que vous m'avez entendu? Alors, je répète. Je suis, je passe là par la place de la République. J'ai bien sûr entendu parler, ça serait évidemment Nuit Debout. Et là, je constate qu'en fait, je ne suis jamais venu la nuit, mais je constate qu'il y a l'émergence d'un nouveau, une nouvelle chose qui pourrait s'appeler jour assis. Puisque là, il y a un certain nombre de personnes assises. Bon, c'est tout. Je pense que Nuit Debout a fait des petits, maintenant c'est jour assis. Même qu'on faisait un peu la quête, je ne comprends pas. Au revoir. Qui fait la quête et pour qui? J'aimerais juste dire un petit mot. Je pense que ton intervention était très intéressante et partageait plutôt un questionnement. Pour moi, hein, en fait, je suis plus en questionnement qu'autre chose ici. Mais il y a dans cette culture politique un peu centrée sur la subjectivité de l'expérience, il y a une vraie tension entre deux choses. D'un côté, appliquer la démocratie à nous-mêmes, y compris dans son côté représentatif. Mais d'un autre côté, il y a un vrai problème, parce que si c'est un mouvement d'expérience, s'il s'agit de ce que je vis moi-même de manière personnelle, on l'a bien dit hier en Assemblée Générale, chacun a sa nuit debout, le voit d'une autre manière, etc. Et du coup, dans cette idée-là, la délégation est impossible. Tu ne peux pas déléguer ce que tu as vécu. Il s'agit plutôt à chacun de participer lui-même, parce que la parole ne peut pas être déléguée. Je sais qu'en pratique, c'est très compliqué tout ça, mais concrètement, je me rappelle de beaucoup de discussions dans plein de mouvements. Un paysan me disait clairement, comment est-ce que je peux déléguer ma parole si l'autre n'a pas connu la fin que j'ai eue moi quand j'étais dans mon village. Et donc c'est vraiment dire aussi, c'est pour ça que le côté expressif, personnel est très important. Ça pose des problèmes très pratiques, mais c'est aussi la force du mouvement. Et donc il y a une tension entre cette démocratie qui s'organise, ce côté expressif, très personnel dans le mouvement, et les deux sont très intéressants. Bonjour. Il y a deux choses qui m'ont pas mal chagrinée dans votre premier discours. Le fait d'abord que vous parliez de Nuit Debout comme un lieu où on vient exprimer son individualité, son expérience personnelle. Je pense qu'on est plutôt ici pour, au contraire, trouver ce qu'on a en commun, chacun d'entre nous, plutôt que de parler de nos individualités, trouver ce qu'on a en commun. Juste pour rappeler, hein, c'était pas si vieux, Nuit Debout est née à la suite de la manifestation contre la loi El Khomri. C'est ce qu'on a en commun. Et j'en viens au deuxième point qui m'a beaucoup chagrinée, c'est que vous parlez de lutte sociétale. Je suis désolée, je ne veux pas me borner aux luttes sociétales, je suis là pour faire du social. Lutter contre le projet de loi El Khomri, c'est du social. Ce que nous reprochons à François Hollande depuis 2012, c'est de se borner au sociétal. On ne peut pas leur faire ce reproche, ils ne font que du sociétal. Je suis désolée, les combats sociétaux, ils sont évidemment primordiaux. Et toutes les commissions qui sont là pour défendre le droit au logement, le féminisme, les minorités, ils sont évidemment nécessaires, ils ont tout le droit de parler, évidemment. En revanche, j'ai peur que Nuit Debout se disperse à trop vouloir multiplier les combats en oubliant ce qui devrait être son combat principal, c'est-à-dire lutter contre la loi El Khomri et son monde, c'est-à-dire un monde néolibéral qui nous soumet au diktat du marché. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Moi, je suis assez d'accord avec toi, mais pour la première fois, c'est... On nous parle de l'essence même de notre participation à ce mouvement. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Et le but flou du mouvement, qui est justement qu'on cherche dans les médias, ou les médias les cherchent désespérément, et ils ne savent pas très bien à quoi on a affaire. Et cette expérience personnelle qu'on a quand même en participant à un tel mouvement, en se disant peut-être la loi El Khomri, ça m'intéresse pas, peu importe. La raison, enfin le principal, c'est que je vienne sur la place. Et le consensus, c'est quelque chose qui fait assez peur aux gens, je trouve. C'est à partir du moment où il y a une tête au mouvement, ça fait peur et on n'en veut pas. À partir du moment où tout le monde est d'accord, je quitterai la place. Enfin, il y a tout ce côté, consensus. Ou un mouvement flou, évolutif, participatif, mais participatif pour tout le monde. Pour tout le monde veut être contradictoire. Je vois qu'il y a de plus en plus de monde. N'hésitez pas à vous rapprocher, à vous asseoir, comme ça tout le monde pourra être à l'aise. En fait, merci pour cette réaction. Je veux juste réagir par rapport à ce que tu disais. En fait, c'est juste sur la sociétale, on a peut-être la définition inverse. En fait, ce que moi je veux dire précisément, c'est que c'est un mouvement qui est vraiment un mouvement social dans ce cas, qui l'objectif c'est vraiment de transformer les valeurs fondamentales de la société. C'est dire que contre l'individualisme égoïste, de marché, de compétition, pour moi, oui, ici, il s'agit aussi d'affirmer son individualité, mais dans une solidarité. Cette relation d'être humain à être humain, comme on le voit beaucoup ici, qui est profondément solidariste, et cette idée que les sans-papiers étaient ici plus présents au début, malheureusement, que maintenant. Mais donc, c'est vraiment très solidaire, mais... La question, le débat qui est en cours, y compris dans ma tête comme dans le mouvement, faut-il laisser cette aspiration à l'expérience individuelle, individualité, à la société de consommation, au capitalisme, etc. ou sommes-nous ici aussi en train d'exprimer nos individualités, pas du tout contre les autres, au contraire, avec les autres, dans un esprit de solidarité, mais en même temps aussi, cette solidarité aujourd'hui s'est transformée par rapport à avant. Elle passe moins par... c'est plus un mouvement de masse comme on a l'image d'Épinal du 19e siècle où tout le monde marche derrière la même banderole du syndicat, on dit tous la même chose exactement de la même manière. Ici, tout le monde dit la même chose à sa façon. Et donc, ou la même chose, des choses parfois un peu différentes, mais l'important c'est que l'individualité est vraiment importante là-dedans, et c'est pas du tout incompatible avec une société solidaire, pas du tout, au contraire, elle est réaffirmée ici. Et donc voilà, je pense que c'est ça aussi, c'est vraiment un élément fondamental pour moi de la bataille autour des valeurs de la société, ce qui fait un mouvement dans le sens que tu donnes, un mouvement social, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas à des luttes concrètes ni à la loi El Khomri, c'est pas que c'est pas important, mais c'est que c'est simplement au-delà de ça, il y a une transformation des valeurs qu'on voit, je crois, en acte ici sur la place, et en même temps ça passe aussi par des luttes plus concrètes contre des projets comme la loi El Khomri. Oui, merci beaucoup pour votre intervention, et justement, enfin, ça va tout à fait dans le sens de ce que vous dites, la possibilité de pouvoir rencontrer celui qui est à côté de soi, en fait. Oui, je parle plus fort. Parce que finalement, là je parle vraiment de mon expérience personnelle, hein, mais avant de venir ici, j'avais l'impression que on pouvait se rencontrer justement qu'à partir du moment où on avait quelque chose de commun. Alors que ce soit au niveau de statut professionnel, parce qu'on représentait un certain groupe de personnes, parce que ou d'un statut familial, enfin bon, il fallait qu'il y ait quelque chose en commun avant qu'on puisse parler avec celui qui est à côté de soi. Et d'ailleurs, je pense que les réseaux sociaux ont aussi essaimé d'une certaine façon pour aller contre ça, le fait que la rencontre de l'autre, fallait qu'elle passe autrement que par le rapport au commun. Et ce que je trouve très intéressant, c'est quand même ce qui se passe ici est passé d'abord par les réseaux sociaux, parce que c'était peut-être le seul moyen pour ça se mettre en place, mais maintenant les réseaux sociaux n'en sont que la seconde partie, enfin ça le relaye au-delà, mais c'en est plus le moteur principal. Et voilà, la possibilité de pouvoir parler, se rendre compte que les gens qui sont à côté de soi, on peut leur parler, et c'est vraiment une expérience assez extraordinaire. Et moi je me suis rendu compte en fait à quel point je sortais d'un monde aseptisé. Je vois pas quel meilleur terme dire, parce que enfin voilà. Quelqu'un? Oui. Rebonjour. La question que tu as posée par rapport à nous, comment on agit individuellement et ici maintenant dans cette nouvelle démocratie que l'on souhaite. La question s'est posée, mais vraiment dans la réalité. Quand j'ai proposé à l'AG de faire, avec un ton un peu décalé, un peu humoristique, en même temps très réaliste, une lettre ouverte au président de la République en disant « Oui, maintenant, cette place est bien une agora, c'est bien un lieu de parole libre de la nouvelle démocratie, donc, monsieur le président, vous avez qu'à le statuer. » Voilà. Et on est là, et pourquoi pas sur Internet, faisons une pétition pour le demander. C'était à la fois humoristique, mais en même temps vrai. Et puis, il y a des personnes de la commission démocratique qui sont venues discuter en disant « Oui, tu peux le dire à l'AG, ça serait génial, mais l'AG va pas avoir un vote qui va valider. » Donc on peut pas faire une lettre au président de la République en disant « c'est bien Nuit Debout, Vie Debout qui le demande ». Vous voyez, donc on est vraiment dans cette réalité où on a une impatience. Enfin, moi je suis impatiente, hein, voilà, avec mes limites, parce que ça fait un moment, comme vous pouvez le voir, qu'on s'indigne et qu'on lutte dans nos luttes écolo-éco-citoyennes. 20 ans les OGM, ça fait 20 ans qu'on bataille, pour vous dire. Hein. Donc ça veut dire qu'on est impatient. Alors c'est ça cette dualité. C'est l'impatience qu'on a envie que les choses soient et que cette agora, elle soit. Vous voyez, on est là, elle est l'agora, elle existe. Donc si on demande une lettre et qu'on donne cette espèce de fierté aux politiques actuelles avec une espèce de cadeau comme ça au deuxième degré pour dire, ben voilà, c'est la première agora de France et on n'en parle de plus, les CRS, ils rentrent chez eux, c'est de 12h à 24h et puis le problème est réglé. Mais le problème n'est pas réglé d'un point de vue démocratique dans notre vécu, parce qu'on est dans l'exercice. Alors il y avait une autre proposition, c'est de dire, pour faire durer, c'est ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à Montpellier, je crois, c'est que j'avais aussi lancé l'idée qui n'est pas de moi, qui n'est pas nouvelle, c'était « on rentrera pas chez nous, on est ici à la République, on y est tous les jours, ça va durer ce que ça va durer, mais dans chaque ville de France, ça peut être tous les lundis soirs devant les places de mairie. » Et voilà, c'est réglé, tous les lundis soirs dans les places de mairie, si vous n'êtes pas disponible les autres soirs. Donc ça permet de faire durer les choses, donc c'est vrai qu'il y a... Et alors est-ce que c'est démocratique? Est-ce qu'on peut le décider ou pas? Et c'est ça qu'on m'a dit l'autre jour, c'est-à-dire qu'on est dans l'exercice, ce qui freine la décision immédiate et ce qui augmente la réflexion et augmente l'exercice. Et c'est bien là tout notre travail de l'impatience. Quelqu'un souhaite réagir? En fait, je voulais réagir à ce que vous aviez dit sur la représentation. Pourquoi ça effraie que si on tirait au sort les représentants, enfin, peut-être qu'on aurait comme ce monsieur un peu saoul tout à l'heure qui viendrait, mais il y a des moyens de contenir ça. Mais on sera sûr de ne pas avoir des représentants, tout un ensemble de délégués d'un certain syndicat. Donc c'était juste ça ma question. Qu'est-ce qui vous fait peur dans cette démocratie par tirage au sort et pourquoi vous pensez qu'on ne veut pas l'appliquer à ce mouvement-ci existant ? Juste, il reste 10 minutes de débat. Si quelqu'un veut intervenir ? Rapidement. Alors, un exemple, tu es en train de dire, voilà, sur le 19e siècle, les ouvriers, comme tu le présentes comme des moutons, des milliers de moutons qui marchaient derrière un banderole. Ça, c'est grave, ça. C'était des êtres humains qui se battaient pour son droit. C'est l'histoire, l'histoire de combat, ça commence pas avec nous. C'est-à-dire, ça va gonfler les jeunesses, cette idée de dire de croire qu'ils sont en train de faire l'histoire de zéro, où ils sont le porteur d'une nouveauté extraordinaire. C'est pas vrai, ça. C'est-à-dire, il y avait. Est-ce que on peut aujourd'hui avoir la question, c'est justement au contraire. Est-ce qu'il y a des millions des ouvriers dans la rue? Non. C'est ça la question. Je pense que les deux interventions ont des visions complémentaires avec monsieur, donc un peu différentes, mais complémentaires, je crois. Mais elle était aussi liée à la question précédente, en fait, qui tous les deux sont importantes. Je pense qu'ici, dans cette logique d'action qui est une partie, pas tout le mouvement, la loi du nombre est remise en cause. C'est-à-dire que si on est des millions ou pas des millions, c'est pas ça qui nous empêche d'agir de cette manière-là. Parce qu'on agit aussi pour être cohérent avec nous-mêmes, et même si on n'est pas des millions, c'est quand même très important de le faire. Et donc, c'est aussi une logique aujourd'hui, on voit à la fois sur les réseaux sociaux comme partout, il y a à la fois, bien sûr, je ne dis pas que la loi du nombre est plus importante aujourd'hui, mais il n'y a pas que ça, ça c'est une manière d'agir qui est tout à fait légitime, importante, et on doit bien sûr aux syndicats, aux manifestations syndicales, aux grèves syndicales, au nombre, l'état social dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est quand même pas rien. Et en même temps, on voit bien qu'il y a aussi des logiques très différentes aujourd'hui et qui s'expriment de manière différente, de manière plus... D'où, et ce n'est pas tellement moins qu'il y a un problème avec le tirage au sort, mais il y a quelque part, dans cette même logique d'action assez cohérente, il y a à la fois des choses qui tendent vers, oui, disons, le tirage au sort, c'est important, ne fût-ce que pour dire que la politique, ce ne sont pas que les politiciens, il faut qu'on s'en empare, il ne faut pas que ce soit des professionnels de la politique. Et en même temps, il y a un côté très expressif ici, c'est-à-dire... si moi, un militant de cette voie-là, subjectivité expressive que je décris un peu, tout d'un coup, je vois quelque part privé de la parole parce que quelqu'un était tiré au sort pour parler, d'un côté, c'est très bien parce que c'est démocratique, de l'autre côté, pas, parce qu'il s'agit à chacun de s'exprimer à sa façon. Et c'est comme ça que nous faisons société tous ensemble, à partir de ces expressions. Et donc, évidemment, c'est plein d'incompatibilités, de tensions, il faut voir comment on arrive à les arranger un peu. Ce qui me paraît dans tous les cas important, et j'ai oublié d'insister là-dessus, moi, ça me paraît une des multiples raisons pour laquelle le mouvement Nuit Debout me paraît si important. C'est quand même que ça fait 6 mois en France que tous les médias ne nous parlent que de l'élection présidentielle qui aura lieu dans un an. Ça fait comme depuis 6 mois, on ne nous parle que des candidats de différentes écuries qui ont des programmes qui ne sont pas très, très différents quand même. Et on nous dit sans cesse que c'est ça la démocratie, c'est ça la politique. Et du coup, ils bouffent tout l'espace médiatique, qui n'est déjà pas l'espace des mainstream médias, des médias dominants, est bouffé par ce truc politique où même Emmanuel Macron vient nous expliquer que de toute façon, en dernière année, on ne peut quand même pas faire grand-chose. Et donc, au moins un mouvement qui vient dire la politique, c'est pas que ça, nous faisons plein de choses, et détourner au moins un peu l'attention de cette politique institutionnelle qui bouffe tout l'espace médiatique, qui fait comme si la démocratie c'était que ça, alors que la démocratie n'a jamais fonctionné uniquement comme une démocratie représentative institutionnelle, ça me paraît déjà vraiment, quoi qu'il arrive ensuite, un acquis, un résultat très important de ce mouvement. Merci. Oui, il ne parle que de la présidentielle et de l'aspect sécuritaire. C'est-à-dire, encore une fois, faites attention à votre voisin, voire dénoncez-le s'il a des pratiques étranges. Alors là aussi, Nuit Debout, c'est vraiment absolument l'inverse. Et c'est très important pour ça. Et non, je voulais juste rebondir sur la question du tirage au sort, parce que dans tous les cas, élire, disons, même si c'est 2 ans au lieu de 5 ans, des gens au tirage au sort, bah, ils seront quand même soumis à la pression des lobbies. Donc... par rapport à ça, même s'ils font pas carrière en politique, il y aura certainement moins cette vision à long terme, mais est-ce que ça protège de ça, c'est vraiment à mettre en question. À partir du moment où ils sont élus pour un certain temps et qu'ils ont un pouvoir entre les mains, et bah, ils seront quand même sujets à ça. Il reste 5 minutes de débat. Je suis pas sûr que le fil aille aussi loin, faudrait que vous... Bonjour, ce que je trouve très intéressant aussi dans le mouvement Nuit Debout, c'est le rapport au temps. C'est-à-dire que de plus en plus le temps s'accélère, on n'a pas le temps de parler, on n'a pas le temps de discuter, on laisse pas le temps aux enfants de grandir et de grandir à leur rythme, on leur dit qu'il faut qu'ils se dépêchent. On évalue tout et tout de suite en permanence pour que ça soit plus efficace et plus performant. Et que les gens se réunissent sur des places comme ça en journée, en journée debout ou le soir Nuit Debout, ça permet à chacun de prendre le temps de penser, de réfléchir et de dire à tous ceux qui nous disent que faut sacrifier notre présent au nom d'un futur menaçant, on leur dit bah allez vous faire foutre, nous on prend le temps de vivre à notre rythme. Hein. Quelqu'un souhaite réagir de manière ou d'une autre ? Bonjour. Donc moi justement je voulais revenir sur ce que la dame avait dit dont je me souviens pas le nom, désolé. Voilà, c'est pas grave. Justement c'est que les gens qui sont élus au tirage au sort, on peut imaginer qu'ils seraient sous la pression des lobbies, mais moi je pense que pas du tout, parce qu'une personne qui est tirée au sort pour nous gouverner sait qu'à la fin de son mandat elle nous rejoindra en tant que travailleurs. Du coup ce que je pense, c'est que le tirage au sort, c'est vachement le plus égalitaire, car le dirigeant d'aujourd'hui, ça peut être le travailleur de demain, et il sait que si jamais il fait des lois qui sont vraiment dégradantes pour les travailleurs, ou qui sont clairement, qui sont corrompues, ou qui sont complètement disproportionnées, et ben il sait qu'il les subira lui-même derrière. C'est ça ce que je voulais dire. Peut-être la question a déjà été posée, mais pourquoi est-ce qu'on continue à élire des maîtres? On a Internet, on peut voter rapidement, on sait lire. Éventuellement, si on veut pas voter, on peut donner notre voix à quelqu'un qui on sait qui votera bien pour nous. Voilà. Oui, donc merci beaucoup pour tous ces commentaires qui font beaucoup réfléchir. Je voudrais juste revenir sur l'aspect du temps qui est vraiment essentiel. J'ai pas eu le temps de l'aborder, le temps. Mais comme je le disais, que ce Nuit Debout, c'est comme ces espaces, un peu un espace en dehors des espaces quotidiens classiques. C'est aussi un temps en dehors du temps. Comme tous les mouvements, les campements altermondialistes qu'on a vus il y a 15 ans, les campements climat, etc. Et cette temporalité est essentielle et en même temps pleine de tensions. Tout s'accélère pour nous aussi. Et depuis le premier jour, des journalistes nous appellent tous pour dire « Mais quel est le résultat ? Il faut que ce soit tout de suite. » Et là, c'est important de dire « Attention, c'est un slow movement, comme le slow foot. C'est un mouvement qui demande du temps. C'est un mouvement qui, justement, nous oblige aussi, nous, à sortir un peu de notre quotidien pour dire « Ben, finalement, la chose publique est importante. Il faut que j'y consacre un peu de mon temps. » Et en même temps, il y a l'autre tension, c'est que nous sommes aussi, nous, en train de tout accélérer. Nous sommes ceux qui sommes sur les réseaux sociaux en train de tweeter en même temps qu'on est là. Nous sommes ceux qui voulons que le mouvement ait un impact direct, assez rapide. Et donc, même dans la démocratie participative, on l'a vu avec les alignés, on le voit ici. C'est aussi en même temps, ou avec le parti pirate qui est un peu inspiré de plusieurs choses comme ça. On veut aussi en même temps qu'on ait une réaction directe aux lois qui sont en cours, à ce qui se fait tout de suite. Et donc, il y a cette tension très forte entre un temps qui s'accélère et dans lequel nous sommes plongés, notamment via les réseaux sociaux, et en même temps une place qui nous libère un peu de ce temps-là où on prend le temps d'être ensemble pendant longtemps quand même. Ça fait des heures qu'on est ensemble sur cette place si on additionne toutes les soirées. Et cette tension autour du temps est à la fois essentielle en tension, je dirais, en nous, en chacun de nous, l'accélération et ce nécessaire ralentissement. Et puis c'est un vrai conflit, je peux plus dire sociétal ou social comme disait la demoiselle, social dans le sens qu'elle donnait à ce terme. Et donc voilà, merci beaucoup pour toutes ces discussions. Je crois que c'est vraiment un débat en cours. J'espère que chacun pourra s'en emparer, être d'accord, pas d'accord. Et pour ceux qui souhaitent poursuivre ça, je pense que l'espace essentiel, c'est vraiment ici, EducPop. J'aimerais vraiment souligner l'importance du travail qu'ils font, ce que j'enseigne ici à l'EHESS notamment. Et je vois partout en France, l'espace de l'enseignement est vraiment extrêmement hiérarchique. Vraiment, j'ai du mal à entraîner beaucoup de participants à mon séminaire pour les prendre un verre après le séminaire, pour discuter ensemble de manière un peu horizontale. En général, il n'y a pratiquement que les étrangers qui viennent. Les Français, c'est toujours un peu bizarre pour eux. Et donc, il faut plus d'espace d'échange, il faut des espaces plus démocratiques d'échange du savoir. Et c'est ce que vous faites ici. Et donc, pour ceux que ça intéresse, j'ai besoin de vous pour participer aux échanges dans ce séminaire. Là, je cesse tous les jeudis du mois de juin. Il y a plein d'activités là-bas. Et ceux qui veulent poursuivre la discussion, je suis ici tous les soirs jusqu'à minuit et demi environ. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion de discuter. Surtout peut-être, bon, y compris en tout cas avec ceux qui ne sont pas d'accord, pour faire avancer les choses. Merci beaucoup à tous. Et merci à Luc Pop.